travaillé pendant 30 ans chez Renault. J'y suis rentrée en 71, en deux ans de période, effectivement, après 68, où il y a plein de choses qui ont changé, qui ont évolué. Et c'est vrai que quand tu citais l'article de 46, j'ai marqué en face « belle intention », mais aucune concrétisation, parce que c'est clair que ce discours ne s'est pas du tout appliqué dans la volonté, en disant « les femmes, elles sont capables de », en fait, à aucun moment. Et toute la démonstration que tu as faite avec les chiffres que tu as donnés montre bien qu'il n'y a rien qui a été fait. Et que cette question s'est reposée après 68, dans le début des années 70, où là, ces questions sont revenues, et y compris stimulées par les mouvements extérieurs, hein, pas seulement dans l'usine, mais ce qui s'est passé à l'extérieur, la naissance du mouvement féministe, plein de choses qui ont mis dans nos têtes des idées de changement, de volonté d'avoir des responsabilités, de volonté d'avoir accès à la formation, et que ça s'est exprimé. Et alors, je dois citer pour donner dans les exemples, les femmes étaient non qualifiées, donc OS ou manœuvre principalement, et ça c'est resté, ou dans les bureaux à des fonctions de secrétariat, et il n'y avait pas d'ouvrières professionnelles qualifiées. Le premier stage qui a eu lieu, on l'a obtenu, et c'est une année symbolique, 1975, année de la femme, si vous venez vous dans les, si vous, enfin pour certains d'entre vous, peut-être que ça rappellera des choses, pas pour les plus jeunes, mais 1975, année internationale de la femme, et là, on est intervenu, et là, j'étais syndiquée à la CFDT, donc chez Renault, et on m'a autorisée à aller dans une réunion où il y avait les grands responsables syndicaux avec les représentants de la direction pour exprimer la revendication de la formation professionnelle qualifiée, y compris dans les métiers réputés masculins. Et on a obtenu la mise en place en 1975 d'un stage de ajusteur, où il y a eu deux femmes qui ont participé à ce stage d'ajustage, qui ont terminé les deux premières du stage, d'ailleurs, après la formation. Et pour montrer qu'il ne s'était jamais fait avant, il n'y avait pas d'équipement, ni douche, ni ce que tu expliquais, rien. Donc il a fallu aménager tout cela pour les femmes. Et ça a été le seul stage où il y a eu des femmes. Après, terminé. Ça a été juste symbolique pour l'année 75, mais après... Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu forcément de demande. Les femmes de l'époque ne revendiquaient pas toutes. C'était plutôt symbolique quand on demandait cette chose. Mais c'est vrai que les femmes qui étaient dans les bureaux, elles ne demandaient pas forcément à aller travailler dans les ateliers. Ça, c'était une revendication féministe symbolique. Et donc, beaucoup de choses ont changé à cette époque-là, y compris, alors, pression extérieure, pression y compris de tout le développement de plein de choses qui ont transformé dans les ateliers comme dans les bureaux les conditions de travail. C'est toute l'informatisation, c'est toutes les choses qui ont bousculé, y compris les métiers traditionnels, même y compris féminins ou masculins, d'ailleurs dans plein de secteurs, que ce soit les dessinateurs, que ce soit les gens qui sont sur machine. Il y a plein de choses qui bousculent et qui transforment et qui sont un élément qui va faire que ça va bouger. Par rapport aux femmes, quand même, puisque moi je connais moins ce qui s'est passé dans les ateliers, puisque je suis rentrée dans les bureaux. J'ai fait, pour vous expliquer, un stage de formation de dactylo pour pouvoir rentrer à la régie Renault. Et donc je me suis retrouvée après une formation de dactylo dans un secteur comptable. Bon, ça c'est la vie un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc le plus fort, y compris de cette période, les échos que j'avais, c'est qu'avant 68, il y avait des grands pools de dactylos qui étaient sous la maîtrise d'une grande... Enfin, imaginez une salle immense avec plein de secrétaires derrière leur machine, et puis sur une estrade, une femme qui surveillait tout ce qui se passait. Et c'était l'infantilisation la plus grande des femmes dans ce secteur, au niveau des bureaux, et que tout était surveillé, y compris si elle faisait des erreurs et qu'elle jetait les papiers dans la corbeille à papier, la personne qui surveillait là venait regarder ce qui c'était, pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait, enfin, fallait pas gaspiller non plus ni du temps ni de... Et ça, j'ai eu de nombreuses femmes qui ont témoigné sur cette période-là, où c'est assez extraordinaire de voir comment on est passé brusquement, enfin assez rapidement, d'un domaine où les femmes étaient vraiment sous tutelle, sous contrôle, après avec des métiers en évolution et qui ont changé, et qui ont permis d'accéder, y compris à des responsabilités. Parce que ça, malgré tout, le mouvement, enfin, tu dirais, toutes les idées qui ont bousculé le monde, notre monde en tant que femme, elles se sont forcément introduites dans l'entreprise. Par la suite, je dirais, il y a eu quand même des possibilités d'accéder pour les femmes. Alors là, je parle dans les bureaux, parce que les ateliers, elles disparaissaient de plus en plus, les femmes. Parce que la façon de travailler étant différente, il y a eu de moins en moins de femmes dans toutes ces fonctions, puisque ces fonctions disparaissaient. Donc, on a retrouvé, après les années 70, plutôt 7 heures standardistes, infirmières, cantines, ateliers, pas ateliers, enfin, si, il subsistait quelques ateliers qui étaient la sellerie, mais qui ont très vite été transportés dans d'autres secteurs. Et ça, j'ai oublié de le dire, mais c'est lié aussi à la conception de la production. Il y a eu la période Louis Renault avec ce que tu as souligné, tout était fabriqué dans l'entreprise, le caoutchouc, les pièces de toute nature, et il y avait des ateliers bois, il y avait des ateliers de tout style, parce que Louis Renault, dans la conception ancienne en tant que grand patron, voulait ne pas être dépendant de grèves à l'extérieur, de production qui aurait pu bloquer, parce que les moteurs ne seraient pas arrivés, parce que les pneus ne seraient pas arrivés, parce que... Donc tout était produit, ça c'était donc avant la guerre de 45. Et après, on assiste, pendant toute cette période, des années après 45, 60 et tout ça, à un changement de production, et où certains ateliers disparaissent complètement, ou sont externalisés, la production est faite à l'extérieur, et ça c'est une tendance qui se fera de plus en plus, et qui s'accentuera au fil du temps. D'où disparition de plein de professions et de métiers, enfin de postes qui étaient occupés aussi bien par des hommes que par des femmes d'ailleurs. Ça sera au niveau du temps. Alors le rôle la plus spécifique de la période moi, que j'ai connue, donc après les années 70, c'est quand même une présence beaucoup plus forte des femmes, y compris dans l'activité syndicale CGT ou CFDT, avec la création de commissions syndicales femmes qui ont dû s'imposer, pas facilement d'ailleurs, y compris parfois avec le blocage des responsables syndicaux qui ne comprenaient pas très bien pourquoi les femmes voulaient discuter entre elles de leurs revendications et tout. Et parfois, ça a créé des conflits assez vifs entre les femmes syndicalistes et puis les responsables syndicaux. Donc ça ne s'est pas fait tout seul, ça ne s'est pas fait forcément facilement. Là, comme tu parlais du groupe femmes, alors c'est quand même une particularité, donc ça a été aussi, très vite on a senti la nécessité de réfléchir entre femmes, et donc il y a un groupe femmes qui s'est constitué et qui a d'abord eu une existence clandestine, je dirais, mais qui est devenue officielle et qui a déposé ses statuts à un moment donné et qui a distribué, y compris à l'intérieur de l'entreprise, des tracts, alors que ce n'était pas autorisé, en fait, et on s'est imposé. Et à l'entrée de la cantine, on a distribué des tracts féministes, revendiquant des choses. Et ça, c'est effectivement une expérience assez intéressante qui a été... qui était vécu, alors où on a si bien abordé les problèmes, et parce qu'on disait on ne veut pas être coupé entre femmes à l'extérieur et puis travailleuses ouvrières ou employées dans l'usine, on est femmes à part entière, et nos revendications aussi bien, donc on a distribué des tracts sur l'avortement, la contraception, sur toutes les choses qui nous concernaient, les revendications bien sûr d'égalité salariale, de responsabilité, mais on refusait d'être coupé en deux en disant il y a une partie où on ne considère, parce que c'était ça qui faisait d'ailleurs le blocage avec nos camarades masculins, c'était que dès l'instant où on introduisait des revendications féministes, on créait une division, et ça a été les mêmes problèmes vis-à-vis des immigrés, où dès l'instant où on posait des revendications spécifiques à des catégories, d'origine, c'était comme une division, donc il ne fallait surtout pas aborder ces questions-là de manière... Donc ça, ça a été une période bon, qu'on a bousculé un petit peu. Qu'est-ce que je peux vous raconter par rapport à mon choses intéressantes? Il y a quand même ce qui était... c'est principalement des femmes qui étaient dans les bureaux qui se sont retrouvées dans ce groupe femmes et dans ces... C'est vrai, mais n'empêche qu'il y avait quand même des liens avec les femmes qui travaillaient dans les cantines ou dans d'autres secteurs. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'apparition des personnes qui osaient se manifester en tant que femmes militantes féministes, c'était plutôt les femmes dans les bureaux qui se sentaient moins vulnérables, je pense, que celles dans les ateliers ou cantines. Qu'est-ce que je pourrais dire? Posez-moi des questions, sinon, hein, Alors, disons que l'existence du groupe femmes donc, a duré et avec toute cette poussée qui voulait bousculer à la fois l'entreprise et les syndicats par une action un peu autonome et différente. Elle a existé jusque dans les années 80 et en fait elle a cessé pratiquement, elle s'est atténuée, elle a cessé avec les difficultés qui ont commencé à surgir au niveau des inquiétudes et les annonces qui apparaissaient, c'était la disparition de l'entreprise de Renault. Et là, du coup, c'est devenu, effectivement, c'était plus la priorité dans les revendications, c'était la défense de non la fermeture de Billancourt et que du coup, ce qui était plus spécifique disparaissait derrière ces grandes revendications, les difficultés qui s'annonçaient de disparition de Renault Billancourt. Puisqu'on a eu l'annonce la fin des années 80, et ça c'est 92, fermeture, donc voilà, c'était... Et nous, donc, ça s'est atténué et ça a disparu à ce moment-là. Voilà. Et excusez-moi, comment s'appelait alors ce groupe Groupe Femmes Renault Billancourt. De Billancourt. On n'avait même pas choisi un anglais en particulier, c'était Groupe Femmes Renault entre... Voilà, donc c'est... Et il y avait des réunions avec les autres syndicats ou... Alors nous, on se retrouvait dans le groupe, il y avait des femmes de la CGT, la CFDT et des non-syndiqués. Hein. C'était justement cette ouverture qu'il n'y avait pas ce clivage de commission CFDT, commission CGT ou les revendications du PC, puisque les femmes aussi revendiquaient. Et c'est vrai que nous, on voulait s'éloigner des revendications purement liées à demander, par exemple, un cadeau pour la fête des femmes. Nous, on avait une position beaucoup plus par rapport à ça. Enfin, moi, j'ai pas pensé à amener des choses à ce niveau-là, mais si je savais reprendre certains articles produits, soit par les syndicats et nous, notre façon de réagir, on verrait qu'il y avait effectivement une autre façon d'appréhender les choses et on refusait qu'on transforme le cadeau. On disait, mais qu'est-ce que c'est que cette idée de nous faire un cadeau en tant que femme? C'était ça qui faisait la différence, c'était justement cette autonomie complète vis-à-vis des structures ou politiques ou syndicales. C'était vraiment... Et vous ne fonctionniez pas en réseau avec d'autres associations féministes à l'extérieur? On se retrouvait avec les groupes qui existaient. C'était quoi un peu les influences? La Maison des Femmes qui existait à Paris, on allait à des réunions, on participait à des débats, à des échanges, bien sûr. C'était... c'était des militantes féministes qui ont réussi à impliquer ça ou c'est un groupe? Il s'est créé, en fait, je suis un peu à l'origine avec une autre amie de cela, c'est qu'on a été bousculés par mai 68, hein, franchement, et nous, ça a été une révolution pour nous, et qu'en tant que femme, on s'est dit, on a des choses spécifiques à demander, et on a pensé que c'était nécessaire de créer donc, cette structure, mais c'est grâce à mai 68. Hein, vous aviez été dans un autre mouvement, un groupe particulièrement, ou c'était c'est l'expérience qui s'est... concrétisé, disons, on a bénéficié de l'accord extérieur et ça s'est concrétisé dans notre vie, dans l'entreprise. Voilà, exactement. Mais je ne crois pas qu'on est féministe forcément. On est femme, certes, mais pas féministe. que ça nous a bousculé sérieusement. Et ça a bousculé aussi, donc, effectivement, certaines choses dans l'entreprise, parce qu'on a vu après, y compris dans la façon dont ça s'est passé, des amis qui étaient dans le groupe femmes ou tout autour, dans les discussions qu'on avait, qui ont obtenu des postes de responsabilité, y compris dans des ateliers, chefs d'atelier. Et ça a été une chose qui, par contre, s'est poursuivie et qui continue maintenant. Et c'est une des revendications, en fait, qu'ils mettent en avant. Renault essaie de montrer qu'ils sont au niveau femmes extrêmement en avant. Je lisais il y a deux jours, en rentrant juste de mon voyage, là, je lisais un peu les articles de Renault Presse, et il y a des initiatives sportives, ou même le rallye des gazelles, par exemple, où c'est... Oui, c'est et là, ils étaient tout fiers de montrer que les équipes Renault, elles étaient dans les premières... c'est bravo, finalement, voilà. Donc... C'est un rallye de femmes, effectivement, voitures dans le désert qui traversent, voilà, et qui se passent. Il y en a eu beaucoup, et très tôt. Hein. Tout à fait, et donc et Renault est très fier d'avoir des équipes féminines extrêmement. Voilà, donc, mais pas seulement dans ce domaine, dans d'autres domaines maintenant. Oui. C'est... Mais justement, dans les fonctions féminines dont je n'ai pas parlé, mais qui sont typiquement Renault, c'était les jockeys. Ah oui, alors ça aussi. Voilà, ça c'était féminin. Et pour une raison un peu particulière. Alors oui, est-ce que tu connais la oui, raison? Oui, alors une des raisons. Les jockeys, c'était la sortie de la chaîne, donc où les voitures sont essayées sur une piste qui était à l'intérieur de Renault-Billancourt. Enfin, il y avait dans l'île Seguin une piste d'essai, juste à la sortie pour faire justement ces opérations de contrôle, de vérification, tout ça. Et c'était parmi les postes qui étaient réservés aux veuves Renault. C'est-à-dire que s'il y avait un travailleur de Renault, quel que soit son secteur d'ailleurs, qui disparaissait, c'était une priorité à l'embauche pour des femmes veuves Renault qui donc pouvaient être jockeys et sortir donc les voitures, contrôle et les amener sur les péniches, puisqu'après les voitures étaient mises sur des péniches, transportées jusque vers les aires de stockage qui étaient près de l'usine de Flins, ou avant d'être dispersé pour la vente. Et donc, c'était un des postes, effectivement, qui était réservé aux femmes. Pardon ? Elle les conduisait. Elle les sortait, effectivement, des chaînes, les essayait, et les conduisait jusque sur les péniches d'embarquement pour les emmener sur les zones de stockage. Donc ça, c'était un des postes, c'était effectivement, des postes les jockeys. Il y avait les pontonnières aussi, la conduite des pontonnières roulantes, je crois que c'était assez souvent des veuves de personnel. Certains postes étaient effectivement... Oui. Réservé. Mais il y avait, je reviens sur les rallyes, là, au niveau de la publicité des voitures Renault, c'est frappant comme les femmes étaient utilisées vraiment. Tout à fait. Et en particulier la R4, elle a vraiment été vendue comme une voiture féminine. Et il y a une expédition, je crois que c'est Pôle Nord, Pôle Sud, quatre filles en 4L qui étaient suivies dans Renault Magazine. Leurs étapes, etc. Mais ça continue, là, j'ai vu ça. Oui, là, je c'est vraiment, j'ai dit. Que ça ah, ça continue toujours, et le rallye des gazelles, là, qui, donc c'est pour 60. Montrer qu'on sait très bien utiliser parfois la place des femmes. Bon, effectivement, elle a quand même beaucoup évolué entre toute la période et surtout les ateliers que tu as racontés, mais c'est vrai que cette période c'était vraiment des OS et des manœuvres OS. Et la formation réellement, elle s'est faite. Après, dans les années 60.